aussi alarmé au gouvernement. Vous savez ce que vous avez fait. Vous avez offert à l'IRA la plus grande victoire de toute son histoire. Dans toute la ville ce soir, des hommes jeunes, des enfants, s'apprêtent à rejoindre l'IRA. Vous subirez la tempête et leur colère.